La dernière œuvre à l'affiche de ce programme consacré à la musique française est la tragédie lyrique en un acte de Francis Poulenc sur un texte de Jean Cocteau, La voix humaine. Cet opéra, qui fut créé en février dernier à la Scala de Milan, connut dès sa première représentation un éclatant succès. Et nous sommes heureux de vous présenter ce soir en première nord-américaine et en première mondiale à la télévision. L'histoire est celle éternelle de deux êtres qui se sont aimés et qui doivent se séparer. La femme, amoureuse que l'on abandonne, s'accroche une dernière fois à la voix de son bien-aimé par le truchement d'un fil téléphonique. Le rôle unique sera interprété par l'éminent soprano canadien Pierrette Alary dans une mise en scène de Jean Doyle. Direction musicale, Jean Baudet, assisté de Otto Werner Müller. Voici donc, mesdames, messieurs, La voix humaine de Francis Poulenc, texte de Jean Cocteau. Quelque part, dans la grande ville au bord de la Seine, un appartement que la douleur a barricadé. Sur une absence trop lourde, l'appartement s'est refermé comme un coquillage, fermé comme un poing, fermé comme des yeux, fermé comme des bras autour d'un fantôme, évanoui. Cette absence encombrante que rappelle chaque objet quotidien, car l'amour garde son parfum et son poison dans le gant abandonné. La place de chaque chose, la pipe éteinte, la marque d'un coussin, les traces du bonheur mort déchirent au passage comme des ronces. Un beau décor pour mourir sans bruit, cet appartement qui était fait pour l'amour, le confort, le bonheur secret. Mais le voici dévasté par la souffrance, transformé cruellement en salle d'opération, en désert, en aquarium de cauchemar, navire sans gouvernail et sans boussole. Ni un cercle, ni une ligne droite, la vie se répand comme une eau. Mains vides, tête vide, cœur vide, néant, vertige, plus de poids, plus de mesure. Et tout à coup, voilà que je comprends ce que veut dire le mot « rien ». Et le toujours et le jamais n'est plus qu'un rêve de toupie. Voici la hantise, à chaque seconde, de ce petit objet monstrueux, celui qui rattache la solitude au monde, ce qui va mourir à ce qui vit, le désespoir à ce qui pourrait être et ne sera plus. Lui, le téléphone, instrument des conversations aveugles, des mots que le regard n'accompagne pas, des silences qui sont des gouffres, le porteur des mots qui ne sont plus que des mots, le téléphone.

tu es injuste. J'ai téléphoné ma première un mardi, j'en suis sûre. Un mardi 27. Thank you. que tu es maladroit et que tu m'aimes. Si tu ne m'aimais pas et si tu étais adroit, le téléphone deviendrait une arme effrayante, une arme qui ne laisse pas de trace. Tu ne fais pas de bruit. Je te mens. bien que je n'ai plus aucune chance à attendre. Mais mentir ne porte pas la chance. Et puis, je n'aime pas te mentir. Je ne peux pas. Je ne veux pas te mentir. Même pour ton bien. Seulement je mentais en te décrivant ma robe et en te disant que j'allais dîner chez Marthe. Je n'ai pas dîné. Je n'ai pas ma robe rose. J'ai un manteau sur ma chemise parce qu'à force d'attendre, ton téléphone, à force de regarder l'appareil, de m'asseoir, de me lever, de marcher dans la loge, je devais le faire. Je l'ai supplié de partir parce que tu m'avais dit que tu téléphonerais. je peux te parler? Tu es là, à mourir de peur que tu chante déjà. Amère-toi, mon Dieu. Et en admettant que je dorme, après le sommeil, il y a les rêves. Il me réveille. Et manger. Et se lever. Et se laver. Et sortir. Mon Dieu, faites qu'elle me redemande. est coupée. Je suis en train de te dire que si tu ne m'entends pas vanter et que je m'en aperçoive, je m'en aurais plus de tendresse. Et tu mourras de mal.